Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 37. Des effets de la tristesse ou de la douleur. Ces effets sont l'impuissance d'apprendre, l'abattement de l'esprit, l'affaiblissement de l'opération, et parfois l'altération du corps. 1. La douleur a-t-elle pour effet l'impossibilité d'apprendre? Si la douleur est assez intense pour attirer à elle toute l'attention de notre esprit, elle nous rend incapables d'apprendre quoi que ce soit, et même, dans ses excès les plus violents, de nous rappeler ce que nous savons. Note. Contenue dans une certaine mesure, elle peut néanmoins, en empêchant l'excès des plaisirs, favoriser l'exercice des facultés intellectuelles. Cela seul nous enlève la faculté d'apprendre, qui est tellement profonde qu'elle subjugue toute attention. Un tel effet résulte principalement de la douleur corporelle. Fin de la note. 2. La tristesse ou la douleur produit-elle l'abattement de l'esprit? Tant que l'espoir d'échapper au mal présent, qui attriste, n'est pas perdu, notre esprit conserve encore la force de se mouvoir et d'opposer une résistance. Mais, aussitôt que l'espoir de la délivrance est ravi, le mouvement de la volonté s'arrête, et l'esprit, dans cette détresse, devient immobile par une sorte d'apesantissement. Les membres du corps eux-mêmes sont parfois dans l'impossibilité de se remuer, et alors l'homme paraît comme hébété et paralysé. La tristesse qui est, selon Dieu, renfermant l'espérance, peut très bien produire un effet tout opposé. Considérez, disait saint Paul aux Corinthiens, combien la tristesse que vous avez éprouvée selon Dieu a produit en vous de vigilance, de soin et de sainte indignation. 2 Corinthiens 7, 11. 3. La tristesse ou la douleur affaiblit-elle toute opération? La douleur, on vient de le voir, n'en arrive pas toujours à détruire en nous tout mouvement, soit intérieur, soit extérieur, au contraire, certaines actions en sont l'effet. Si elle provient de quelque opération, elle la ralentit, il est vrai. Ce qui est fait avec tristesse et à contre-cœur se fait avec moins d'effort. Mais elle est parfois aussi le principe des actions, et alors elle donne de la force et de l'énergie. Plus un mal nous attriste, plus nous redoublons de force pour nous en affranchir, à moins que, faute d'espérance, le chagrin ne nous interdise tout mouvement et toute opération. 4. La tristesse nuit-elle plus au corps que les autres passions? La joie de l'esprit, nous dit la Sainte Écriture, rend le corps plein de vigueur, mais la tristesse dessèche les os. Proverbe 17, 22. Car la tristesse conduit à la mort, elle accable toute la vigueur, et l'abattement du cœur fait baisser la tête. Ecclésiastique 38, 19, Bible traduction de Sacy. Il y a des passions qui sont, dans leur espèce, un secours utile au corps, auquel elles ne nuisent que par leur excès. Telle n'est pas la tristesse, portant l'âme à se resserrer, elle est contraire au mouvement vital du cœur, non seulement parce qu'elle a d'excessif, mais par sa nature même, cette passion est certainement plus nuisible au corps que toutes les autres. Note. L'amour, la joie, le désir produisent dans le corps humain des modifications conformes au mouvement vital. La tristesse y en amène de tout opposé. On peut voir, par la mélancolie et par la manie, qu'elle agit jusque sur la raison. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial,